Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 4, Gaumet du Pré 1862. Question 42. De la prédication du Christ. La doctrine évangélique devait être annoncée d'abord aux Juifs. Notre Seigneur devait prêcher avec liberté, sans craindre de les offenser. Publicité de sa doctrine. Il ne convenait pas qu'il l'écrivît lui-même. 1. Le Christ ne devait-il prêcher qu'aux Juifs? Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Matthieu 15, 24. Il convenait que, soit par lui-même, soit par ses apôtres, le Christ prêcha d'abord aux Juifs seuls. Cette préférence montrait que sa venue accomplissait les promesses anciennement faites, non aux gentils, mais à leur père. Plus rapproché de Dieu que les autres peuples par la foi et par le culte, il devait recevoir les premiers la doctrine du salut, pour la transmettre ensuite aux païens. De la sorte, il ne pouvait pas, sous le prétexte que la prédication avait été adressée aux gentils et aux samaritains avant eux, s'excuser d'avoir rejeté le Messie. Enfin, devant mériter par sa croix la puissance et l'empire sur les nations, le Christ ne voulait pas que sa doctrine fût prêchée aux gentils avant sa passion. Aussi ce ne fut qu'après avoir souffert qu'il dit à ses disciples, « Allez, enseignez toutes les nations. » Note. Notre Seigneur a été la lumière et le salut des nations par ses disciples. Il ne faut pas moins de puissance pour faire une chose par les autres que pour l'accomplir par soi-même. C'est, au contraire, le signe d'un pouvoir plus élevé. Il a surtout montré que son autorité était divine, lorsqu'il a donné à la parole de ses disciples une telle efficacité qu'ils ont converti à la fois ceux qui n'avaient jamais entendu prononcer son nom. Fin de la note. 2. Le Christ devait-il se garder d'offenser les Juifs dans ses prédications? Le salut de la société passant avant la tranquillité des personnes privées, un prédicateur et un docteur ne doivent pas craindre d'attaquer les hommes pervers qui empêchent le bien commun. Les scribes, les pharisiens et les princes des Juifs nuisaient grandement au bien spirituel du peuple, non seulement en s'opposant à la doctrine du salut, mais en corrompant la multitude par leurs mœurs dépravées. Le Seigneur devait certainement, sans craindre de les offenser, enseigner publiquement la vérité, qu'ils avaient en horreur, et leur reprocher leurs vices. Aussi, quand ses disciples lui dirent, « Savez-vous que les pharisiens, entendant cette parole, se sont scandalisés ?» Il répondit, « Laissez-les, ce sont des aveugles et des conducteurs d'aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tombent tous deux dans la même fosse. » Matthieu 15, 12. Note. On ne doit donner à personne, par des paroles ou par des actions dépourvues de rectitude, l'occasion d'une chute, mais, si cette occasion provient de la vérité que l'on annonce, il vaut mieux, dit Saint Grégoire, ne pas tenir compte du scandale que d'abandonner la vérité. Fin de la note. 3. Le Christ devait-il enseigner toute sa doctrine publiquement? Il a dit, « Je n'ai rien enseigné en secret. » Jean 18, 20. On cache une doctrine, tantôt par amour propre et par envie, pour affecter de la supériorité au moyen d'une connaissance ignorée des autres hommes, et ce n'est point assurément ce qui eut lieu dans le Christ, tantôt par un reste de pudeur. Lorsque cette doctrine est erronée ou impure, comme celle des hérétiques, dont il est dit, les eaux furtives paraissent moins amères, Proverbe 9-17, ce qui ne s'applique pas davantage à la doctrine de notre Seigneur. Celui-là tient encore sa doctrine secrète qui ne la propose qu'à un petit nombre d'hommes. Sous cet autre rapport, le Christ n'a point enseigné en secret, il s'est adressé, soit au peuple réuni, soit à tous ses disciples. Enseigne-t-il secrètement ? Demande saint Augustin, celui qui prêche devant la multitude, et qui, s'il s'adresse seulement à quelques personnes, leur enjoint de transmettre sa parole à toutes les autres. Enfin, une doctrine peut être appelée secrète en raison de la manière dont on l'enseigne. Dans ce sens, celle du Christ l'était parfois, car il lui arrivait souvent de voiler sous des paraboles les vérités que le commun des hommes n'était ni digne ni capable de saisir. Mais ces paraboles, il les expliquait ensuite d'une manière claire et précise à ses disciples, afin qu'ils en transmissent la signification à d'autres personnes plus capables d'en profiter et de les expliquer à leur tour. On peut dire, pour conclusion, qu'il a enseigné publiquement toute sa doctrine. Note. Le Christ n'a pas manifesté à la foule, ni même à ses disciples, toutes les profondeurs de sa sagesse, puisqu'il disait, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter présentement. » Jean 16, 12. Ce qu'il a cru devoir en révéler, il l'a proposé au public, bien qu'il n'en fût pas toujours compris. Jamais il n'a caché sa doctrine, il a seulement voilé, dans ses discours, certaines vérités que la multitude n'était pas encore capable de saisir. Fin de la note. 4. Le Christ aurait-il dû écrire sa doctrine ? Il n'était pas convenable que le Christ écrivît lui-même ses instructions. Sa dignité, l'excellence de son enseignement, le mode déterminé par lequel sa doctrine devait être transmise au genre humain, tout s'y opposait, premièrement, sa dignité. Au docteur le plus éminent appartient la plus éminente de toutes les méthodes d'enseignement. Docteur par excellence, le Christ devait graver lui-même sa doctrine dans l'âme de ses auditeurs, aussi est-il rapporté qu'il enseignait comme ayant autorité. Matthieu 7, 29. Chez les gentils eux-mêmes, Pythagore et Socrate, maîtres de premier ordre, ne voulurent rien confier à l'écriture, qui n'a pas d'autre but que d'imprimer un enseignement dans le cœur des hommes. Deuxièmement, l'excellence de son enseignement. S'il eût écrit lui-même sa doctrine, quel livre aurait pu la renfermer? Saint Jean ne nous dit-il pas, il est beaucoup d'autres choses accomplies par le Christ. Si on les rapportait toutes en détail, le monde ne comprendrait pas les livres que l'on en écrirait, ce n'est pas l'espace qui manquerait, reprendrait bien saint Augustin, ce serait la capacité des lecteurs. Notre pensée s'élèverait-elle beaucoup au-dessus de l'idée que l'Écriture nous en donnerait? Troisièmement, le mode déterminé de transmission. La doctrine chrétienne devait parvenir à tous les hommes dans un ordre déterminé, c'est-à-dire passer immédiatement de la bouche du Christ à ses disciples, chargés d'instruire le reste du genre humain par leurs paroles et par leurs écrits. Ce genre d'enseignement n'aurait point existé, s'il l'avait écrite lui-même, et il aurait agi contrairement à ce mot. La sagesse divine a envoyé ses servantes pour appeler les hommes à la cité. Proverbe 9:3. Note. Après tout, on prétend en vain que notre Seigneur n'a point écrit, car les membres du corps mystique, dont il est la tête, ont consigné par écrit, sous son inspiration, ce qu'il a voulu nous faire lire touchant ses paroles et ses actions. Commander à ses disciples d'écrire, n'était-ce pas comme s'il l'eût ordonné à ses propres mains? Quant à la loi ancienne, qui consistait surtout dans des figures sensibles, elle pouvait être représentée par des caractères visibles, Et Dieu l'écrivit sur deux tables de pierre. Mais la doctrine du Christ, appelée par saint Paul la loi de l'esprit de vie, devait être écrite, selon les expressions de l'apôtre, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais dans les cœurs, comme dans des tables de chair. 2 Corinthiens 3:3. Quiconque n'ajoute pas foi aux écrits des apôtres croirait-il davantage à ceux du Christ? Markemdanarchive.org 2021. D'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.